petit à petit. Est-ce que tu peux souffrir? Non. Non, mais tu comprends. Tu peux comprendre jusqu'à un certain point, mais il faut que tu souffres pour aller plus loin. Pour comprendre. Pour savoir. Oui, mais souffrir, ça peut être juste fatiguant, puis ça peut être... Tu peux souffrir. C'est la souffrance qui produit le changement vibratoire. C'est juste. Est-ce que c'est possible que René, qui commence à haïr, à se pencher, comme tu dis, à m'en occupe, puis se laisse influencer par une autre façon? C'est un être qui n'haït pas. Tu peux pas haïr si t'es pas dans l'intelligence, par volonté. Alors, à ce point-là, t'es pas influençant. Tu parles absolument, mais... Tu parles absolument, mais tout à l'heure, tu parlais de l'homme ici. C'est naïf? Oui, c'est naïf. Elle devient de plus en plus grande. Oui, c'est ça, quand tu commences. Tu vas douter. Si tu haïs au début, tu vas avoir des sentiments contre cette haine-là, automatiquement, à cause de ta mémoire. Mais est-ce que c'est... la haine combat toute la mémoire? Est-ce que la haine peut être la mémoire te revient? La mémoire, elle va te ramener en arrière. La haine va continuer pareil. Parce que tu te raffines dans ton intelligence et ta volonté. Puis éventuellement, mais t'as plus de culpabilité dans ta haine. Elle devient nécessaire, essentielle. Elle devient grande et elle devient belle. Mais il n'y a pas de... En fait, je ne sais pas des trucs, mais les forces négatives, ramènent tout le monde. L'astral, c'est les forces négatives. Oh, je vais dire quelque chose pour répondre. Je comprends sa question. Aïe, supramentalement, c'est parfait et dans l'ordre. Aïe, dans l'astral, c'est désorganisé et anarchique et non directionnel. Ça répond à ta question. Aïr, ce serait pas la force destructrice en nous autres qui doit être utilisée pour la transformation des données. C'est ça. C'est la force qui détruit les formes. À tous les niveaux, toujours en même temps. C'est ça. Se trouver... C'est ça, libre. De tout être humain. De tout être humain. De tout être humain. Ça comprend toutes les humanités. Non. Aïe, tu sais, quand tu aïe, tu détruis toute astralité dans l'homme, et en détruisant toute astralité dans l'homme, c'est là que tu détruis la mémoire de l'homme. C'est ça. Pour détruire la mémoire de l'âme, il faut haïr. Donc l'âme, c'est pas ça. Ben, effectivement, c'est astral. Tu es Cupidon d'astral. C'est bien de retour. C'est ça. C'est bien de retour. C'est comment est-ce l'astral? Nous influence à être reconnaissants vis-à-vis de nous avoir mis. C'est comment est-ce que c'est difficile de comprendre que le semblant de vie qu'on a, c'est tellement arrivé, c'est comme si on est reconnaissant pour ce semblant de vie-là, qu'on n'a pas de lire parce qu'on n'a pas de tomber dans la vie. C'est... Une action, même... ça devient toujours un problème d'intelligence. Et la question, c'est pas d'être haut dans l'astral, bas dans l'astral, à gauche dans l'astral, à droite dans l'astral, sur la terre ou dans l'astral ou ailleurs. C'est d'en sortir, ce cristal-astral-là. Puis il n'y a pas moyen de sortir des polarités de l'astral parce que l'astral est polarisé s'il n'y a pas ce move parfait de l'amour et de la haine. C'est impossible.